c'est le retour du rap. Le retour du rap. Underground. Qui dérape, qui te fracasse. C'est le retour du rap. Le vrai, le seul, le nick. Celui qui a la technique, le menteur. Débarque, c'est dans le pera comme des chanteurs d'opéra. Quand je m'exprime au Mikey, anciennement nommé JB Styley. En direct de Paris, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'organise? On va redresser la tour de Pise. Fixie et le refrain, c'est dit que tapant en direct de la street. Retour à la source, retour aux origines. Dans le rap, je suis un ours, donc faut baisser les chines. M'en fous si je te dérange, mon gratte après racine. Le battle underground est là sur les platines. Retour à la source, retour aux origines. Dans le rap, je suis un ours, donc faut baisser les chines. M'en fous si je te dérange, mon gratte après racine. Le battle underground est là sur les platines. Représente Bagne, Cachan, Villemont, Villefeu, tous les tanges, tous les noaches, c'est du rap game. Vas-y, porte écoute là. Eh vas-y, c'est quoi ce son là? C'est quoi ce son de psychopathe? Retour à la source, retour aux origines. Dans le rap, je suis un ours, donc faut baisser les chines. M'en fous si je te dérange, mon gratte après racine. Le battle underground est là sur les platines. Retour à la source, retour aux origines. Dans le rap, je suis un ours, donc faut baisser les chines. M'en fous si je te dérange, mon gratte après racine. Le battle underground est là sur les platines. 2011, c'est 2011, dans le bois. Ok, underground, underground style. Underground mixtape, underground pour tous les gars qui coupent leur saf dans l'avocat et qui font des bons tarifs du style 40 euros le zedou. Eh oui, je te sors les chiffres. Underground, underground. Underground. Underground.